cet hiver qui n'en finit plus et des températures encore très fraîches pour la saison. Imaginez donc si vous aviez vécu il y a 700 millions d'années, à l'époque où la Terre était une immense boule de neige, une période de l'histoire de notre planète qui conserve encore quelques mystères. Et si le ciel venait à nous tomber sur la tête après la station Mir, c'est le palais céleste chinois Tiangong qui va s'écraser sur Terre aux alentours du 1er avril prochain, et ça n'est pas une blague. Et puis, les robots chirurgiens de plus en plus précis permettent d'opérer des tumeurs qui jusqu'alors nécessitaient des procédures extrêmement lourdes. Ils sont en plein essor. Terre, boule de neige, station spatiale chinoise et robots chirurgiens, c'est une partie des sujets que nous allons aborder dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour aborder tous ces sujets et réagir à l'actualité de la recherche la plus brûlante, vos journalistes scientifiques favoris du vendredi, tant que je ne les ai pas encore remplacés par des robots journalistes, mais ça ne serait tarder. Bonjour Cécile Lestienne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Directrice de la rédaction de Pour la Science. Bonjour Olivier Lascar, déjà à moitié virtuel, hein, puisque vous êtes rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences et Avenir. Absolument. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et un nouvel arrivant, lui aussi sorti tout droit du labyrinthe des algorithmes de favoris YouTube. Bonjour François Morel. Bonjour Nicolas. Et bonjour à tous. Et vous êtes créateur de la chaîne Primum Non Nocere. Alors je le dis en prononciation restituée, ça vous va ? C'est-à-dire que c'est plus proche de la présentation originelle, effectivement. Bon, on s'en tiendra à ça. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour sur les ondes de France Culture et sur notre fil Twitter @laméthodefc. Mais elle aussi est en cours de robotisation. Elle est la femme bionique de l'actualité scientifique. Notre super Jamie des sciences, c'est Zoé Sfès pour le Journal des Sciences. Bonjour Zoé. Bonjour Nicolas. Le Journal des Sciences. Et on reste dans un champ thématique unique avec évidemment l'intelligence artificielle cette semaine. Que faut-il retenir même avec un i, puisque sinon ça fait retenir et c'est pas français. Donc que faut-il retenir de la journée d'hier, puisque c'est hier que le rapport de Cédric Villani a été remis au gouvernement, rapport sur l'intelligence artificielle, avec l'annonce d'un plan stratégique national par le chef de l'État et donc une journée de réflexion au Collège de France dont vous allez nous faire la synthèse et je vais y arriver. Il faudra mieux un robot à ma place, Zoé. Mais oui, parce que les robots sont absolument parfaits. Oui, très riche journée. Le mathématicien Cédric Villani, député La République En Marche, qui s'était vu confier la réalisation d'un rapport sur l'intelligence artificielle il y a plusieurs mois, a remis donc ce rapport très long de 135 pages et que dans la foulée, tout de suite après, Emmanuel Macron a annoncé un plan dans lequel il reprend alors une large partie des recommandations de Cédric Villani, mais pas toutes. Alors, parmi celles qu'on peut retenir, il y a la mise en place d'un programme national pour l'intelligence artificielle qui sera coordonné par l'INRIA en lien avec les autres organismes de recherche partout et les universités liées, la création d'un réseau d'instituts dédiés avec 4 ou 5 localisations en France, une stratégie d'ouverture des données publiques de l'État, un plan d'1,5 milliard de dédié à la recherche, à la fois la recherche industrielle et publique, alors là on n'a pas de détails. Cédric Villani avait préconisé d'investir dans 4 domaines régaliens, la défense, l'environnement, la santé et l'éthique. Alors j'ai demandé son regard sur ces annonces au professeur Jean-Gabriel Ganassia, professeur d'informatique à la Sorbonne Université, chercheur en intelligence artificielle et qui est le président du comité d'éthique du CNRS, qui avait été auditionné dans le cadre de l'écriture de ce rapport. Il est plutôt enthousiaste, comme on peut l'entendre. Cette présentation qu'a faite le président de la République, je crois, montrait qu'il avait une analyse assez fine des enjeux. Et donc, ce sont, à mon sens, des choix tout à fait réfléchis, hein, qui portent quand même sur la recherche, hein, puisqu'elle a une part importante, qui portent aussi sur l'enseignement, hein, puisque Emmanuel Macron s'est engagé à doubler les formations en intelligence artificielle à l'université et à mettre les moyens, hein, en regard de ce doublement de formation. Ce qui est important, parce que souvent, dans les dernières années, on nous incitait à accroître les formations sans mettre de moyens. Ça veut dire qu'il y aura des recrutements d'enseignants-chercheurs. Je crois que ce qui est vraiment important, hein, pour les chercheurs aujourd'hui, c'est qu'ils puissent utiliser cet argent pour faire les recherches et pas pour passer leur temps à accomplir des tâches administratives. Donc s'il pouvait y avoir un allègement des procédures, moins de concurrence, hein, sur les projets, il faut savoir aujourd'hui, hein, que l'ANR, comme les projets européens, il y a 10% de projets acceptés, ce qui veut dire que vous avez 90% de votre temps qui est passé à rédiger de nouveaux projets, donc ça décourage vraiment les chercheurs. Donc si on pouvait avoir des projets à plus long terme, qui avaient plus de souffle, ce qu'il faut, c'est que les chercheurs puissent se passionner, je crois que c'est leur rôle, à partir de ça, qu'on arrive aussi à passionner la société sur ces questions-là, à montrer que ce sont des enjeux majeurs, et en même temps que ce sont des enjeux désirables. Donc, c'est à nous de définir quelle est la société dans laquelle nous voulons vivre dans le futur. Et les chercheurs réunis au Collège de France ont par ailleurs tous salué l'implantation en Île-de-France des géants comme Google, IBM, DeepMind et Facebook. Et d'ailleurs, dans les heures qui ont précédé le discours du président Emmanuel Macron, les Japonais Samsung et Fujitsu ont annoncé qu'ils en battaient le poids à ces géants américains et qui s'installent eux aussi en région parisienne dans les mois qui viennent. Pour l'informaticienne Claire Mathieu, qui est directrice de recherche au CNRS et qui est titulaire cette année de la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France, c'est la preuve que les signaux envoyés par le gouvernement français sont plutôt bon. Ça permettrait aussi sans doute aux jeunes chercheurs en intelligence artificielle de rester en France. Il faut rappeler que Cédric Villani avait préconisé dans son rapport de doubler leur salaire pour les garder en France. Proposition, on peut s'en douter qu'Emmanuel Macron n'a pas retenu dans ses annonces. J'ai demandé à Claire Mathieu, qui est la spécialiste, de l'éthique des algorithmes, c'est sur ça qu'elle travaille, son regard sur les propositions d'Emmanuel Macron en matière d'éthique. C'était la dernière partie de son discours très développé. Le président veut proposer un dispositif législatif pour la voiture autonome, c'est l'un des gros chantiers de l'IA, et surtout la création d'un équivalent du GIEC pour l'IA en France, chargé de mener une réflexion prospective ouverte sur les impacts éthiques, évidemment, de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est surtout réalisable? Réponse de Claire Mathieu. Il a donné des grandes directions auxquelles j'adhère, mais pas beaucoup de concret. Et comme il parle de ligne de crête entre le fait d'avoir des lois contraignantes et de laisser un espace de liberté, bon, dans ce genre de choses, tout dépend des détails, bien sûr. Ça peut être inquiétant, ça peut être très positif. Mais pour l'instant, les questions d'éthique n'appartiennent pas à grand monde, je pense que c'est vrai. Il faut agir et l'État a un rôle à jouer. Ça me semble clair. Alors jusqu'à quel point doit-il intervenir? Là, c'est la fameuse ligne de crête. En fait, pour la société des hommes, pour qu'on vive en société, nous, on a besoin de lois et de gendarmes. Qu'est-ce que c'est l'analogue pour les algorithmes? L'analogue, c'est en amont des spécifications qui disent quelles sont les propriétés que les algorithmes doivent satisfaire. Et puis, en aval, l'analogue des gendarmes, ce sont des tests, des audits qui vérifient que les algorithmes suivent bien les règles qu'on leur a données, a posteriori. On pourrait, il serait concevable, de ne pas autoriser des algorithmes qui donnent des résultats plus précis, mais qui utilisent des éléments illégaux. Voilà, puis l'intelligence artificielle, il en sera largement question demain, tout au long de la journée, puisque c'est le troisième et dernier forum de l'année vu par les savoirs de France Culture dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. On parlera de l'intelligence, de toutes les formes d'intelligence, dont l'intelligence artificielle. Ce sera notre sujet. On en parlera demain de 15h30 à 16h30 avec, entre autres, Benjamin Bayard, Jean Ponce et Laurence De Villers. Voilà, vous pouvez réserver les toutes dernières places, s'il en reste peut-être encore quelques-unes, sur le site maisondelaradio.fr. Un mot en bref maintenant, Zoé, pour dire que Hubble a découvert une galaxie où il n'y aurait pas de matière noire. Oui, alors évidemment, c'est du conditionnel comme toujours en matière de matière noire. À quelques 65 millions d'années-lumière de nous, CG100 1052 DF2 fait partie de ces galaxies ultra-diffuses dont la densité est très basse. Plus grande que la Voie lactée, elle contient 250 fois moins d'étoiles. Surtout, on n'y trouverait pas de matière noire, cette fameuse matière mystérieuse, invisible, qu'on ne peut pas détecter, en tout cas qu'on ne détecte qu'à partir de ses effets gravitationnels sur d'autres objets. Cette observation vient défier les théories courantes sur la formation des galaxies, expliquent les auteurs de l'article qui rend compte de cette découverte. Il a été publié cette semaine dans la revue Nature. Et puisqu'on parle de Hubble, son successeur, le très attendu James Webb Télescope, ne sera lui pas mis en route avant 2020. La NASA annonce en effet encore un an et demi de retard pour ce télescope, raison invoquée, le besoin de temps supplémentaire pour tester tous les composants de ce futur télescope qui sont réunis pour la première fois depuis une semaine chez Northrop Grumman Aerospace, le constructeur qui construit les parties optiques. Reste à vérifier évidemment que tout ça fonctionne, faire des tests et préparer le lancement. Le budget du projet va donc dépasser sans doute les 9 milliards de dollars. Deuxième sujet de ce journal des sciences, des chercheurs français du neurocentre de Bordeaux viennent de découvrir quels sont les neurones qui sont impliqués dans le phénomène crucial de la discrimination contextuelle, Zoé. Ce phénomène, c'est celui qui permet aux êtres vivants, pas seulement aux humains, d'identifier les informations sensorielles qui sont pertinentes, comme les odeurs, les sons, la lumière, pour réguler leur réponse comportementale, notamment en présence d'un danger potentiel. Et c'est ce phénomène qui est mis à mal, notamment dans des pathologies comme l'état de stress post-traumatique, où les malades reviennent sans cesse revivre l'événement à l'origine de leur stress à cause de leur incapacité justement à discriminer ce contexte. La découverte de cette équipe française emmenée par le directeur de recherche Cyril Herry est déterminante. Pourquoi ? Parce que grâce à la technique de l'optogénétique qui consiste à introduire des neurones dans les neurones à des protéines photosensibles et donc de pouvoir les identifier, elle est parvenue à identifier ces neurones qui sont responsables de ce phénomène, ce qui ouvre bien sûr la voie à des progrès thérapeutiques, mais ce qui change aussi fondamentalement notre compréhension des mécaniques qui sont liées à la peur. Cyril Herry. Ces approches, elles consistent à exprimer des protéines sensibles à la lumière au niveau des neurones d'intérêt. Et grâce à une fibre optique que l'on introduit dans le cerveau des animaux, on peut activer ou inhiber les neurones de façon spécifique. Et donc c'est très important dans cette étude, puisque nous avons pu mettre en évidence que lorsqu'on activait ces neurones de façon spécifique, on arrivait à induire une discrimination contextuelle, alors que si on les inhibait avec la même approche, eh bien on induisait une généralisation contextuelle. Nos données mettent en évidence que les neurones du cortex préfrontal impliqués dans la discrimination contextuelle projettent directement sur cette structure du tronc cérébral. Si je reviens sur les circuits canoniques de la peur chez l'homme et chez l'animal, il y a deux structures qui sont importantes. Il y a l'amygdale qui est une structure sous-corticale, donc qui va traiter les informations émotionnelles sans qu'on en ait conscience. Par exemple, je me promène dans la forêt, je vois un serpent, immédiatement j'ai un réflexe de retrait. Ça implique un réseau amygdalien qui n'est pas conscient. Le cortex préfrontal, il intervient quand on prend du recul sur cet événement-là et qu'on essaie de contrôler nos émotions. Et on sait depuis un petit moment que le cortex préfrontal régule directement l'activité de l'amygdale. Donc jusqu'à présent, ce qu'on pensait, c'était que le contrôle cortical de nos émotions passait forcément par un contrôle sur l'amygdale. Nos données vont plus loin que ça puisqu'elles montrent que ce cortex préfrontal, indépendamment de l'amygdale, peut réguler directement nos réponses de peur. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans le champ des neurosciences, en tout cas dans le domaine de la peur. En bref, un rapport de l'ANSES reconnaît que les malades qui se disent électrosensibles ont bien des symptômes réels, mais qui restent encore inexpliqués. C'est ça les conclusions de cet avis rendu donc mardi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, de l'environnement et du travail au sujet de cette question donc très débattue encore aujourd'hui de l'électro-hypersensibilité ou EHS. Alors, elle reconnaît que les malades qui se réclament de ces troubles, qui sont très variés, qui vont des troubles du sommeil, des rythmes circadiens, fatigue, maux de tête, troubles de l'attention, de la mémoire, qu'elles imputent à leur exposition aux ondes électromagnétiques, eh bien toutes ces douleurs sont réelles, correspondent à une réalité vécue, indique l'avis, avis rendu par 40 experts réunis par l'ANSES, mais aucune preuve expérimentale solide ne permet toujours aujourd'hui d'établir un lien de causalité entre l'exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits. Et pour conclure, comme chaque semaine par notre rubrique de sciences improbables, déception immense pour ce qui me concerne, Zoé, immense. J'étais sûre, vous étiez partisan le de cette théorie. Le petit squelette nain d'Atacama n'est pas un extraterrestre. Quelle déception. Ouais, je sais que vous misiez beaucoup sur ce petit squelette découvert au Chili. Squelette minuscule qui a une tête qui ressemble clairement à une tête d'alien, évidemment, qui avait intrigué la planète entière. Et donc vous, surnommé Ata, ce squelette momifié, et on l'avait retrouvé en plus derrière une église, dans un désert, glissé dans une pochette en cuir. Des circonstances très clairement incroyables et avec un squelette avec des caractéristiques jusque-là jamais vues, puisque ce squelette avait un nombre auparavant jamais observé de 10 paires de côtes, alors que les hommes n'en ont que 12. Il n'en fallait pas moins, évidemment, pour tirer des conclusions hâtives et se dire que c'était le squelette d'un extraterrestre. Eh bien, pas du tout. Après analyse génétique poussée, des chercheurs révèlent ce jeudi qu'il s'agit tout simplement d'une petite fille avec des mutations génétiques rares associées au nanisme, avec donc une petite fille entre 6 et 8 ans, plusieurs mutations très rares, des malformations, un vieillissement prématuré. Les chercheurs qui ont fait une analyse complète du génome et qui ont pu déterminer que cette petite fille qui a dû mourir nécessairement de ces malformations était sans doute originaire d'Amérique du Sud, précisément de l'île de Kilauea au Chili. Voilà, et ben c'est triste. Et pour elle, et pour vous. Je me remettrai, vous savez. Merci beaucoup, Zoé, pour ce journal des sciences. Comme d'habitude, petit tour de table. Peut-être un mot avant tout pour commencer par ce rapport qui était très attendu, ce rapport Villani sur l'intelligence artificielle, ce qu'on en a entendu, les craintes, les espoirs. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier, pour commencer? Alors moi, j'étais au Collège de France hier, j'ai assisté à... au sommet qui a suivi la restitution du rapport Villani. Il y a une mesure importante aussi, je suis pas sûr que Zoé l'ait cité tout à l'heure, c'était le fait qu'aujourd'hui, les chercheurs dans le public peuvent consacrer 20% de leur temps à une entreprise privée. On va passer maintenant à 50%. Ils pourront passer la moitié de leur temps. C'est un peu la jurisprudence, si je puis dire, Yann Lequin. Mm-hmm. Ça n'a pas été dit comme ça, mais enfin bon, il était là, Yann Lequin. Un des principaux responsables de Facebook, le responsable du développement de l'intelligence artificielle au sein de Facebook, qui passe son temps entre la France et les États-Unis, qui est l'un des parrains de la méthode scientifique de cette année, Olivier. Et Emmanuel Macron, dans son discours, a relevé que cette décision allait être prise. Alors après, c'est sûr que c'est enthousiasmant. Il faut quand même se rappeler que le dernier rapport sur l'intelligence artificielle, il date de 2016, en tout cas de la fin du quinquennat de François Hollande, c'était Francia. D'ailleurs, Antoine Petit, le patron du CNRS, qui était hier sur la scène du Collège de France et qui a eu vraiment le discours le plus applaudi parce qu'il a mis les pieds dans le plat, quoi. Hein. Ancien président de l'INRIA, donc il savait de quoi il parlait. Oui, il sait très bien, puisque c'est l'INRIA qui va diriger le programme sur l'intelligence artificielle tel que l'a dit Macron. Il a rappelé que le dernier rapport, c'était il y a simplement un an. Donc là, tout le monde avait l'air content. Villani dédicacé son rapport à qui mieux. Son très long rapport que tout le monde n'avait pas eu le temps de lire. Par ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Ils avaient prudemment pensé à faire une synthèse de 8 pages. Bon, voilà, après c'est très bien. Il y a un truc moi qui m'a amusé, c'est que dans ce rapport on se plaint que les grandes entreprises en France, alors c'est écrit comme ça, préfèrent parfois céder aux sirènes des géants mondiaux de la discipline plutôt que de faire confiance à nos pépites nationales. Or le player vidéo de l'événement qui était disponible sur le site du secrétariat numérique, c'était YouTube. Ouais. Bon. Donc voilà, il faudrait qu'il n'y ait pas trop de dichotomie entre les paroles et les actes. Cécile, vous n'avez pas l'air convaincue, vous faites une petite moue. Pas du tout, c'est en fait parce que je n'ai pas eu le temps de lire les 250 pages, donc c'est pour ça. Mais effectivement, je crois que c'est assez largement inspiré du rapport précédent qui était tombé à un assez mauvais moment politique, on peut dire, voilà, juste dans le trou électoral. Donc c'est une réflexion qui est menée depuis longtemps par les chercheurs en informatique en France, et bon, ça a quand même l'air de marcher si l'on en croit effectivement les arrivées des grandes entreprises chez nous. On peut espérer que ça redynamise le domaine, avec toujours, excusez-moi, c'est un petit peu ma marotte, cette question qui va revenir, c'est la place des femmes justement dans la recherche en intelligence artificielle, qui, on le sait, ne sont pas assez nombreuses. Ce n'est pourtant pas faute d'instituts comme INRIA qui cherchent vraiment à recruter des femmes, mais il n'y en a pas assez qui rentrent dans cette carrière. Donc voilà, appel à toutes les jeunes filles qui s'inscrivent en ce moment là sur Parcoursup. François, une réflexion autour de ce rapport, autour de l'intelligence artificielle ou de la place de l'IA ou de ce que peut l'État pour le développement de l'IA en France face à des géants du privé? Est-ce qu'un État peut vraiment lutter face à Google, Facebook, Amazon, Apple? En termes de... Par rapport au développement privé, j'en sais rien. De toute manière, ils sont en avance sur pas mal de choses. Et on le voit bien dans les algorithmes, moi, de celui qui me concerne le plus, c'est-à-dire l'algorithme YouTube. On voit bien comment ils arrivent à manipuler les populations, j'entends les viewers, pour s'orienter vers tel type ou tel type de contenu pour maintenir une activité sur la plateforme. Moi, j'ai surtout entendu le rapport du côté médical, bien évidemment, puisqu'il y a eu beaucoup d'un effet de traîne sur l'IA. On a beaucoup discuté dans le milieu médical, principalement. Bah, là, il y a l'Institut Curie qui a parlé de son nouvel algorithme qui permet d'évaluer la réponse au traitement dans le cancer par rapport à l'analyse d'imagerie. Chose que l'humain ne peut pas faire, mais que l'IA arrive à probabiliser la réponse au traitement, parce que il voit des choses que nous les humains on voit pas, ou alors à aider les radiologues à diagnostiquer des choses que nous on voit pas. Donc ça peut être une aide au diagnostic importante. Alors ensuite, ça va toujours très loin en disant, est-ce que un jour l'IA remplacera les médecins pour faire de la télémédecine ou pour remplir les déserts médicaux? On n'en est pas là. Un mot, justement, Olivier, tout de même, pour conclure sur cette partie, sur le rapport de force entre l'État et les acteurs privés. Est-ce que vraiment la France a encore les moyens de lutter face aux géants de l'informatique, face au secteur privé, face à la Silicon Valley, face à des acteurs qui se sont engagés dans l'IA depuis 10, 15 ans et avec des moyens étatiques? Cécile? Non, je voulais juste dire que... Avec des moyens privés, pas étatiques, pardon. Si je ne me trompe pas, j'avais bien entendu dire que si Facebook avait installé son nouveau laboratoire en France, c'est à cause d'INRIA. C'est pour être près d'INRIA. Donc quand même, on a une certaine attraction. Alors, Lequin a dit beaucoup de bien de la formule des doctorants chiffres. Qui est vraiment à ses yeux tellement pertinente qu'il va essayer de l'adapter aux États-Unis. Donc apparemment, il y a quand même des raisons. Vous en nous rappelez ce que c'est que les doctorants en chiffres? Est-ce qu'on difficilement en détail. Moi non plus. Mais pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, il y a quand même un peu ce truc assez étrange. Il y a eu cette annonce, évidemment, vous l'avez dit, d'Emmanuel Macron, des chercheurs qui pourront partager leur temps entre recherche et entreprises qui s'implanteront donc en Île-de-France. C'est aussi l'une des manières de dire bon, on vous paiera pas le double parce que c'est pas comme ça que ça marchera. Mais en effet, c'est toute la question. Est-ce que ces grandes entreprises, elles se rapprochent de Paris, de l'Île-de-France, parce qu'on a quand même des bons chercheurs, on a toujours des bons chercheurs, est-ce que le but c'est de venir en rafler, pourquoi pas, voilà, quand on a passé 50% du temps dans une grande entreprise et qu'on est très bien payé, est-ce qu'on est sûr de revenir après dans son domaine de recherche? C'est une des questions qui se pose aussi à l'issue de ce type. Voilà, est-ce que ce type de mesure pourra suffire à pallier, est-ce que ces entreprises qui peut-être s'implanteront pas dans des proportions délirantes, viennent faire leur marché auprès des jeunes chercheurs français. Donc il y a plein de questions qui restent quand même un petit peu en suspens. Ils disent rester très vigilants à ça, hein, que le public ne soit pas siphonné de tous ses talents par le privé. L'aspect le plus concret quand même qui a été évoqué, parce qu'il y a eu beaucoup de belles paroles et de marketing, c'est les 1,5 milliard d'euros qui vont être investis en d'argent public dans l'IA. Ce qui, finalement, est une somme pas si importante que ça en regard d'autres choses. Bon, pourquoi ils viennent? Pourquoi Samsung vient, Facebook, etc.? Il y a un effet psychologique fort. Sans doute que l'approche managériale de Macron séduit beaucoup de monde. À un moment, il a dit dans la conférence, la démocratie est le système le plus bottom-up du monde. Alors, c'est vraiment, alors là, quand on entend ça, ça fait bondir. Certaines personnes, et puis pour préciser chiffres, mais on va vous le remettre aussi sur c'est un système de lien les doctorants entre l'université, un laboratoire et une entreprise privée. Voilà, c'est une sorte de système tripartite. On va vous remettre des liens pour bien comprendre ça. Peut-être un dernier mot, c'est intéressant, et puis on va y revenir dans une émission prochaine sur cette étude. Peut-être je me retourne vers vous, François, sur l'électrosensibilité qui gâche la vie de beaucoup de gens, qui est mal prise en compte. On arrive avec une étude qui dit, on constate des symptômes, on constate de la souffrance, de la douleur, mais on est incapable d'établir une preuve scientifique entre ces symptômes et l'exposition aux ondes électromagnétiques. Qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est une question qui est complexe, l'électro-hypersensibilité, parce que effectivement, dire que ces gens-là ne ressentent rien, ce serait mentir. Il y a une grande part dans la douleur en général, il y a une part qu'on n'arrive pas à objectiver, mais ça depuis toujours, et on le sait. Voilà, il y a un ressenti personnel de la douleur et des sensations désagréables qu'on ne peut absolument pas objectiver. Par contre, de ce que je sais du sujet, c'est vrai que toutes les études qui ont été menées en aveugle, c'est-à-dire on teste avec une pièce blanche et puis on met des ondes électromagnétiques et on fait des tests en blanc avant pour savoir, voilà, oui, là j'ai un problème, là j'en ai pas, on allume, on éteint et on voit, et à chaque fois les tests ne sont pas concluants, on n'arrive pas à faire mieux que le hasard, quoi. Donc nier leurs symptômes, c'est contre-productif. Par contre, affirmer que cette pathologie existe manque un petit peu de grain à moudre, quoi. Il faut trouver une réponse, mais ça... Juste rappeler que, on a eu cet avis, mais que l'OMS avait rendu exactement les mêmes conclusions il y a quelques mois dans un rapport. C'est toujours avec la même chose, c'est-à-dire que la plainte est là, il faut l'écouter. Par contre, est-ce que on n'arrive pas à objectiver le mécanisme derrière et on n'arrive pas à objectiver ne serait-ce que la sensibilité elle-même, en fait. Donc bon, difficile de dire. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il y avait beaucoup de choses à dire de ce journal des sciences puisqu'il est déjà 16h24, on a du retard sur notre il va falloir cavaler. Bref, premier gros sujet de ce tour de table et de cette table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche, le climat terrestre n'a pas été toujours aussi accueillant qu'il ne l'est aujourd'hui, ça n'est un mystère pour personne. De la fournaise originelle, notre planète est passée à un désert de glace jusqu'à se stabiliser au climat clément, relativement clément que nous connaissons depuis quelques millions d'années maintenant, mais dans ce yo-yo climatique, eh bien, il reste une zone mystérieuse aux alentours de 700 millions d'années, donc dans une histoire finalement relativement récente à l'histoire à l'échelle de notre planète, hein, puisqu'elle a 4 milliards et demi d'années, donc 700 millions, c'est dans la dernière partie de son histoire géologique. À cette époque, que l'on appelle d'ailleurs le cryogénien, eh bien, la Terre se serait subitement refroidie à deux reprises, à tel point que l'on appelle cette période la période de la Terre boule de neige, et c'est une théorie qui a été longtemps contestée, Cécile Lestienne, et que eh bien, les paléoclimatologues ont encore du mal à expliquer. Absolument, c'est bien d'ailleurs ça qui les intéresse. Un petit peu comme l'histoire de l'électrosensibilité, quand il y a des choses à trouver, c'est plus passionnant pour les chercheurs. Effectivement, la théorie de la Terre boule de neige est née dans les années 50, lorsque un chercheur australien a remarqué qu'il y avait des débris et des poussières glaciaires dans certaines couches géologiques sur à peu près tous les continents, et qu'il faisait dire que entre 1 milliard et 500 millions d'années, la Terre avait entièrement gelé. Et puis il y a eu d'autres indices qui allaient dans le même sens. Et jusqu'à la fin des années 60, où un climatologue soviétique a fait des études, des hypothèses sur un hiver nucléaire. Et donc ce que son modèle montrait, c'est qu'effectivement, si les calottes glaciaires, si la banquise descendait jusqu'aux latitudes de 30 degrés à peu près, on rentrait dans une spirale dont on ne pouvait plus sortir, qui faisait qu'à cause de l'albédo, la blancheur du sol renvoie tellement d'énergie que la Terre aurait entièrement gelé. 30 degrés de latitude, ça se situe où à peu près ? En dessous de la France, puisqu'on est à peu près à 45. Okay. D'accord. Voilà. Mmh. On se rapproche très largement des tropiques. Mmh. C'est ça La limite. Mmh. Voilà. Et ben, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette histoire du climatologue soviétique a mis un frein à cette théorie de la glace boule de neige, parce que ça expliquait que la Terre pouvait geler, mais il n'y avait aucun scénario de sortie dans le modèle. Mmh. Donc s'il y avait eu une Terre boule de neige, une Terre boule de glace même, voilà, et ben, on serait toujours dans une Terre boule de glace. Et comme ce n'est pas le cas, ça n'a pas marché. Donc pendant quelques temps, on n'a plus beaucoup réfléchi là-dessus. Et puis c'est revenu au début des années 90 avec un chercheur américain, Joseph Kirschwink, voilà, qui est vraiment un des grands messieurs de cette théorie, mais qui intéresse beaucoup de chercheurs depuis, et qui lui a trouvé un scénario qui expliquerait l'entrée et la sortie de cette grande période de la glaciation. Je rappelle, en fait, il y en aurait eu une il y a très fort longtemps, il y a 2 milliards et demi d'années, puis il y en aurait eu deux autres de façon assez rapprochée, il y a moins 717, puis moins 649 millions d'années. Donc sa théorie... Ce dernier âge glaciaire, il y a des traces stratigraphiques qui l'attestent. Absolument, mais c'est pas parce que les traces stratigraphiques qu'on était sûr que la Terre avait entièrement gelé. On était sûr qu'il y avait une période glaciaire. C'était pas ça qui était remis en question. Ce qui était remis en question, c'était que la Terre est entièrement gelée. Et donc, d'après lui, ça s'expliquerait parce que ce que n'avaient pas pris en compte ses prédécesseurs, faute d'avoir eu suffisamment de données sur la dérive des continents, c'est qu'en fait, à cette époque-là, les continents étaient à peu près tous justement à des zones de basse latitude, en dessous de 30 degrés, un petit peu au-dessus, mais en tout cas pas du tout au-dessus de 60. Voilà. Et que ça expliquerait, selon lui, une différence d'albédo, justement, parce qu'à l'époque, les continents n'étaient pas recouverts de végétation. Mmh. Hein, la vie était encore, justement, monocellulaire. Il y avait des petites algues des petites bactéries. Des bactéries dans l'océan. Quelques algues filamenteuses, petites, minuscules. Mais dans les océans, il n'y avait rien sur la Terre. Voilà, il n'y avait rien sur la Terre. Et que donc, la différence d'albédo entre les continents situés à cet endroit-là et les océans aurait pu engendrer un refroidissement tel qu'il serait arrivé à cette fameuse limite des 30 degrés de latitude et que la Terre aurait gelé. Mais lui, il avait un scénario de sortie. Enfin, il a toujours un scénario de sortie. Parce que c'est ça la vraie question. C'est de se dire qu'une fois qu'on a tout est recouvert de glace, comment est-ce qu'à un moment donné, tout ça se réchauffe? Parce que ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Parce que s'il y a de la glace, ça veut dire qu'il n'y a plus de photosynthèse. Donc normalement, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Donc normalement, une fois que c'est gelé, et puis ça ne bouge plus. Quoi. Voilà. Et bien justement, non, si on tient en compte du cycle long du carbone. Justement. Alors, c'est dans le cycle long du carbone, la teneur en CO2 de l'atmosphère est... en gros, très lié aux éruptions volcaniques qui rejettent beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Et ce CO2 est en partie capturé par l'érosion des sols, par les pluies, l'érosion des sols, qui fait que ce carbone est piégé et finit au fond des océans, sous forme de sédiments pendant un certain temps. Puis il y a tout un recyclage et tout ça. On en a parlé, on va vous mettre le lien sur Facebook. On vous a raconté le cycle du carbone en long, en large, en travers, il n'y a pas très longtemps, en vous parlant précisément des mécaniques climatologiques des océans. Et donc, s'il y a eu vraiment eu une période comme ça de glaciation intense, la source de carbone fonctionnait toujours. Il y avait toujours du volcanisme qui pouvait rejeter du CO2. En revanche, le phénomène d'érosion et de capture du CO2 ne marchait plus. Puisque si la Terre était toute gelée, il n'y avait plus d'eau liquide, il n'y avait plus d'érosion. Donc, voilà. Donc en fait, ce qui aurait pu se passer, c'est qu'au bout d'un moment, la teneur en CO2 de l'atmosphère aurait été telle que l'augmentation de l'effet de serre aurait finalement dépassé l'albédo et on serait reparti dans un réchauffement et on serait passé d'ailleurs d'un système glaciaire à un climat tropical. Très rapidement à l'échelle géologique en tout cas. Voilà. Mais alors ce scénario, effectivement, il est expliqué. Alors il y a d'autres petites. Il y a plein de petites hypothèses à l'intérieur de ça, c'est très compliqué. C'est assez compliqué, mais c'est passionnant. Vous pourrez le lire dans le magazine pour la science, tous les détails après. Vous pourrez tout savoir, notamment sur. Comment s'appellent les petits. Ah ouais, les cryoconites. Ouais, c'est très, bon, bref, mais ça, voilà, il faut aller le lire dans Pour la science. Mais pour reparler, il y a une autre question qui est là pour le coup une énigme de taille, c'est précisément la question de la vie. Parce qu'on sait qu'avant la Terre boule de neige, il y a donc de la vie à l'échelle cellulaire, des micro-algues, mais toutes petites, unicellulaires. Mmh. Et juste après, d'un seul coup, c'est l'explosion de la vie multicellulaire. Mais on se demande comment, pendant des millions d'années, la vie, même monocellulaire, a pu continuer en l'absence de lumière, en l'absence de nutriments dans les océans. Bref, c'est compliqué ça, Cécile. Absolument, mais c'est pas pour ça que ça passe à la recherche. C'est pas sûr, non, mais moi j'ai adoré cette histoire. Une des grandes questions, c'est effectivement comment la vie a pu supporter cette période de glaciation. Alors, le froid et l'absence de lumière, c'est pas totalement incompatible avec la vie. On sait qu'il y a des organismes qui supportent ça, mais c'est absolument incompatible avec les organismes photosynthétiques. Pas de lumière, pas de photosynthèse. Non. Or, les microfossiles montrent qu'à cette époque-là, il y avait justement des petites algues et des organismes monocellulaires qui étaient photosynthétiques. Donc voilà, donc ça qu'on comprend pas très bien. Alors il y a beaucoup d'hypothèses. Une hypothèse qui fait que la glace aurait été salie et que finalement elle n'aurait pas été aussi épaisse qu'on le pensait. Ça faisait pas un kilomètre, mais peut-être juste 100 mètres aux équateurs. Et que ça expliquerait que, mais ça ne suffit pas. D'où justement vos fameux cryoconites, Nicolas, qui vous ont tellement plu. C'est quoi les cryoconites? Racontez-nous, Cécile. Alors les cryoconites, on peut observer les cryoconites aujourd'hui sur les banquises arctiques et antarctiques. Ce sont des petits trous dans la glace qui se forme à cause de poussière, d'accumulation de poussière liée à des tas de choses différentes. Ça peut être le volcanisme ou la suie ou ce que vous voulez. Et comme elles sont plus sombres, donc plus chaudes, ça forme des trous où l'eau redevient liquide et elle abrite justement des organismes vivants. Donc ça aurait pu être le lieu où la vie aurait survécu, voire se serait développée. Mais ça ne marche pas quand même, excusez-moi, parce que ça ne marche pas quand il fait vraiment trop froid. Donc en fin de période glaciaire, ça pourrait marcher, mais en début de période glaciaire, non. Donc il va falloir encore chercher d'autres choses. Mais ils continuent, les chercheurs, justement. Oui, ils continuent. Et alors, quelles sont justement les dernières hypothèses et quelles sont les dernières confirmations de cette théorie? Eh bien, les chercheurs qui ont écrit dans Pour la science, là, Pierre Changeoffre de l'Université de Bretagne et Guillaume Lehir de l'Institut physique du Globe à Paris, eux cherchent des indices. Figurez-vous dans le Grand Canyon et dans la vallée de la mort aux États-Unis, ce qui peut paraître étrange parce que là-bas il fait quand même très chaud. C'est un endroit où il fait le plus chaud sur Terre. Mais justement là, on trouve des sédiments et des pierres témoins de cette époque-là, dans lequel ils cherchent justement des indices, des microfossiles, des biomarqueurs qui pourraient expliquer ce qui s'est passé. Ils voient qu'effectivement la vie a survécu. Il y a eu même une explosion d'algues vertes et d'algues rouges juste après cet épisode glaciaire. Bon, pareil, ils ne comprennent pas exactement pourquoi, mais par exemple, ils remarquent que c'est à ce moment-là qu'il y a une pression de sélection telle que les organismes ont commencé à produire une molécule qui s'appelle le 24-éthylstérol. Bon, c'est une sorte d'antigel, en fait, tout simplement. Et ça permet aux membranes cellulaires de résister aux changements de température. C'est à ce moment-là que c'est apparu, et ça aurait donné un avantage énorme aux algues vertes qui se sont ensuite développées. Donc voilà, ils continuent à chercher, et ils vont sûrement trouver, ça va nous apprendre beaucoup de choses et nous faire rêver, peut-être aussi bien que les extraterrestres, Nicolas. Voilà, après la question... Moi, vous savez, l'apparition de la vie, ou que ce soit, moi, ça me fait toujours rêver. Après, la question qui reste, évidemment, c'est est-ce que ça peut recommencer? Oui. Alors, de façon naturelle, il semblerait que non. Parce qu'évidemment, les conditions ont changé. Les continents ne sont pas du tout à la même place qu'à l'époque où ça s'est passé. Et puis, le soleil est plus vieux. Et une étoile qui vieillit comme le soleil ne devient pas comme un être humain. Elle devient plus puissante. Elle dégage plus d'énergie. Et bon, ça semblerait vraiment pas possible. Il faudrait qu'il y ait une teneur nulle, quasi nulle en CO2 dans l'atmosphère pour qu'on revienne à cette Terre boule de neige. Mais Je vous rappelle que l'hypothèse qui avait mis à plat la Terre boule de neige, c'était une hypothèse d'hiver nucléaire, et ça... Ça, on ne sait jamais, ça peut toujours nous retomber sur le coin du nez. Un mot, ce qui est aussi intéressant, peut-être pour conclure, c'est que cette hypothèse de la Terre boule de neige, elle apporte une réponse à quelque chose qui interrogeait pendant longtemps les géologues et les paléogéologues, c'est la question de la production d'oxygène sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a deux gros moments de production d'oxygène, dont un aux alentours d'un milliard d'années, peu ou prou, qui pourrait être finalement lié à cet âge de glace-là. Oui. Et puis à la sortie aussi, à la sortie de cette deuxième âge glaciaire, qui aurait pu favoriser l'explosion de ces algues vertes grâce à des bactéries qui proliféraient à l'époque et qui, elles, se servaient du soufre et non de l'oxygène pour leur respiration. Voilà, c'est un dossier passionnant à lire dans Pour la Science. Olivier Lascar, vous êtes bluffé. Oui, non. Vous l'écoutez ça avec une attention, elle est extrêmement concentrée. J'ai plus les paroles de Cécile, je vais me ruer dans le dernier numéro de Pour la Science. Ouais, c'est un chouette camarade. Absolument. Turn to Dust, transformé en poussière de cascadeur, puisque c'est aujourd'hui la sortie du nouvel album de cet artiste que nous aimons beaucoup à la méthode scientifique. Et ça nous emmène vers le deuxième sujet de cette semaine aussi, qui va nous ramener justement à cette transformation en poussière. Après la station Mir, eh bien c'est Olivier Lascar qui fait office de Paco Rabanne aujourd'hui, parce qu'une autre station spatiale va nous tomber sur la tête, pas forcément d'ailleurs pour détruire le monde, mais enfin vous allez nous dire si on sait jamais, hein, peut-être que cette nouvelle station va conduire à l'apocalypse, on va le savoir dans quelques minutes. Cette nouvelle station, c'est la toute première station spatiale chinoise, Tiangong 1, avec qui la Chine a perdu le contact depuis bientôt 2 ans. Elle va tomber dans l'atmosphère terrestre entre demain et lundi. C'est donc le 1er avril et ça n'est évidemment pas une blague. C'est surtout un événement très surveillé par la communauté scientifique, Olivier. Oui, alors avant l'hiver nucléaire qu'évoquait Cécile, effectivement, c'est le palais céleste, puisque c'est son nom en mandarin, qui va nous tomber sur la tête, Tiangong 1. Alors à mesure que l'événement se rapproche, effectivement, on arrive à affiner la fenêtre temporelle de l'événement. Depuis 2016, on a perdu le contact avec Tiangong 1, avec la station spatiale chinoise. Les Chinois ont perdu le contact parce que c'est une station chinoise pilotée par les Chinois et les informations qui sont relatives à Tiangong 1, ce sont les Chinois qui les ont, hein. Donc on a très peu de choses. Néanmoins, on sait que cette station, elle a été lancée en 2011. C'est en gros un bidon de 10 mètres. Un peu plus compliqué. Un bidon avec des ailes. Un cylindre de 10 mètres sur 3, 8 tonnes et demi, et qui a pu accueillir jusqu'à 3 taïkonautes. Elle est inhabitée depuis 2013 et depuis 2016, les Chinois ont perdu le contact. Alors, perdu le contact, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus activer les moteurs et envoyer les petits coups de boost qui permettaient à la station de remonter sur son orbite, puisque... C'est assez involontaire, hein, parce qu'il voulait, c'était un essai, hein, il faut le dire qu'elle a été mise en orbite en 2011, c'était un essai pour Tiangong 2, qui est en cours de construction, et normalement, une fois ses essais faits, elle devait rester en orbite pour surveiller la météo, les forêts, enfin, bref, la Chine avait prévu de maintenir cette station-là en orbite. Oui, elle avait pour vocation notamment de tester les rendez-vous spatiaux, hein, comment on s'amarre avec un module Shenzhou, qui est l'équivalent du Soyouz russe, qui a été construit sur le modèle des Soyouz, comment on accoste, plus qu'un labo d'expérience tel qu'on le connaît avec l'ISS. En tout cas, Tiangong 1, aujourd'hui, enfin, au début, elle était à peu près à 350 km d'altitude. Peu plus bas que la station spatiale internationale, qui est à 400. Depuis 2016, elle descend. Aujourd'hui, elle est passée sous la barre des 200 km d'altitude et on sait que elle perd grosso modo 20 km par jour. Donc, quand fin 2017, on posait la question au CNES et à l'ESA, quand est-ce qu'elle va retomber sur Terre, les spécialistes nous disaient ça va prendre plusieurs semaines. Ils avaient des approximations qui pouvaient être de 2 mois, d'une longueur de 2 mois. Maintenant, on sait de façon certaine que ça va se passer à partir du début de la nuit du 31 mars jusqu'à la fin d'après-midi du 1er avril. Alors, est-ce que cet événement va charrier avec lui un apocalypse C'est la question que tout le monde se pose, évidemment. Évidemment. C'est la seule question qu'on se pose. Vous avez cité Astérix avec... le siècle. Voilà. Non. À moins que on n'ait pas de bol et qu'on habite à Perpignan, en Corse... Et dans ces pays qui sont grosso modo dans une bande de terre qui se situe entre 40 degrés de latitude nord et 40 degrés de latitude sud. Alors il y a les photos, enfin c'est plus facile à représenter qu'à raconter, mais en tout cas c'est une partie de la terre qui est, comme la Terre dans son ensemble, essentiellement recouverte par des océans, hein, 70% de... Cette latitude-là, c'est sur l'ensemble du diamètre de la Terre. Absolument, oui. Et pas de la circonférence, pardon, et de la Terre. J'ai... Et pas, c'est pas juste entre Perpignan et la Corse. Non, voilà. Et puisque... avoir des lettres d'affolement. Non. Et comme j'ai cité la France métropolitaine, les territoires des Dom-Tom sont aussi concernés. Ils sont dans cette zone-là. Il y a aussi l'Italie, il y a aussi le Maroc, il y a aussi l'Équateur. Précisons tout de suite que cette station, elle va quand même être détruite à 80 voire 90% par le passage dans l'atmosphère terrestre, puisque la friction avec les molécules qui composent l'atmosphère vont provoquer une chaleur terrible jusqu'à 1400 degrés et ça va en gros tout faire brûler. Néanmoins, les experts disent que 20 à 30% des matériaux qui constituent Tiangong 1 vont résister. Au maximum, 20-30%. Au maximum. Mais qui vont résister, mais tout en étant certainement très dégradés, très fractionnés. On parle des cuves de réservoirs qui sont en titane et qui seraient parmi les éléments les plus résistants. Oui, qui sont faits pour ça, hein, ils ont été prévus pour ça. Alors ces morceaux-là peuvent retomber sur Terre, effectivement. Alors à cet égard, il faut savoir plusieurs choses. Si le 2 avril, vous trouvez dans votre jardin un morceau de la station spatiale, il faut surtout ne pas y toucher. D'abord parce que si c'est un morceau du réservoir, ce sont des parties qui ont pu être en contact avec du carburant. En l'occurrence, on pense que les Chinois ont utilisé de l'hydrazine et c'est quelque chose qui peut être toxique, qui peut être mauvais pour l'organisme. Donc c'est une première raison de ne pas le toucher. La deuxième, c'est que les traités internationaux liés au spatial font que les éléments qui sont constitutifs d'un vaisseau spatial, d'un engin spatial, restent la propriété du pays constructeur ad vitam aeternam et quel que soit l'état dans lequel ils reviennent sur Terre. Donc on pourrait très bien être accusé de vol. C'est-à-dire que si dans mon jardin de Perpignan, je trouve un bout de la station spatiale, il est possible qu'il y ait les services secrets chinois qui me réveillent le 2 avril au matin pour récupérer un bout de tôle. À cet égard, cher Nicolas, je peux vous raconter une anecdote si vous le voulez. Alors rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais non, mais dans le cas de Challenger, par exemple, en 86, quand la navette américaine a explosé dans la rentrée, enfin dans l'atmosphère, il y a eu une campagne pour récolter les morceaux, puisqu'il fallait, c'est un puzzle qui permet de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et dans un des bateaux de récupération, il y a un cuisinier qui a pris le parti de conserver une tuile. Il a gardé une tuile. Il l'a gardée 25 ans et à l'anniversaire de la catastrophe de Challenger, il l'a mise en vente sur eBay. Il a instantanément été arrêté par les services secrets. C'était un goût assez médiocre, soit dit en passant. Peut-être un mot rapidement, Olivier. Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse tellement? Alors, outre le fait, évidemment, du côté un peu spectaculaire de la chose, c'est pas la première station spatiale, c'est pas le premier objet qui retombe sur Terre. 8,5 tonnes par rapport à Mir qui faisait 100 tonnes ou 200 tonnes, je ne sais plus. Même Skylab en 74 qui faisait plus de 80 tonnes. Enfin, là, 8,5 tonnes, c'est rien du tout. C'est un tout petit peu objet. Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse de si près? Alors Mir, c'est 120 tonnes. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que de toute évidence, ça va être un spectacle qui peut être étonnant à voir. Il y a les exemples récents des cargos européens, les ATV, qui lors de leur rentrée atmosphérique, c'est les cargos qu'on envoyait vers l'ISS pour envoyer des vivres et des équipements d'expérimentation, et qui ensuite sont renvoyés vers la Terre et ils sont détruits par leur traversée atmosphérique. Eh bien, on sait que ça donne c'est un spectacle qui est assez saisissant. Ensuite, l'observation de cette rentrée atmosphérique, ça peut être un labo d'expérimentation pour l'ISS, parce que la Station spatiale internationale, après 2024, elle aura terminé sa carrière et sa vie et on va provoquer sa rentrée atmosphérique pour orchestrer sa destruction. 400 tonnes, la celle de l'ISS. Donc là, c'est une autre paire de manches tout de même. Plus de 100 mètres d'envergure. Mmh. Ça sera différent aussi parce que là, ça doit être une rentrée atmosphérique contrôlée, provoquée, qui sera réorientée sciemment vers l'océan, donc aucune zone habitée ne peut être concernée. Mais voilà, la façon dont va se comporter le Palais Céleste est à cet égard intéressant pour les spécialistes, quoi. Un mot sur la suite des aventures spatiales de la Chine, parce qu'il y a du coup une autre station spatiale qui est en construction. Alors, comme vous le disiez, Tiangong 2 a été construit sur le modèle de Tiangong 1, puisque c'était sa doublure. Si jamais si le lancement de Tiangong 1 n'avait pas marché, ça a marché. Donc, Tiangong 2 va servir à ce mécano spatial qui va permettre aux Chinois de constituer leur propre station spatiale d'expérimentation, qui est regardée de façon très attentive par les Européens, parce que si notre cher Thomas Pesquet national apprend le mandarin, on sait qu'il apprend le mandarin, c'est notamment pour des vues de partenariat avec les Chinois et pour organiser des équipages mixtes. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Et voilà, last but not least, fin février dernier, l'Institut Gustave Roussy a réalisé une première européenne en opérant grâce à un robot chirurgien une tumeur située sur le rhinopharynx d'un patient de 28 ans, une tumeur située dans une zone que l'on dit chirurgicalement sensible. L'opération a donc été couronnée de succès, c'est une première européenne et elle confirme la place grandissante de ces robots chirurgiens dans l'amélioration très nette des conditions opératoires et post-opératoires pour les patients qui en bénéficient. Alors les robots finiront-ils, on en parlait tout à l'heure, par avoir la peau non pas des patients mais des chirurgiens, c'est peu probable, mais ça pose néanmoins un certain nombre de questions, le développement de ces robots chirurgiens, François Morel. Alors déjà, pour recentrer l'intervention, c'est une première européenne parce qu'elle associe deux voies d'abord. Le rhinopharynx, pour que les gens se situent un petit peu, c'est ce qui se situe à l'arrière de la gorge, à l'arrière de la bouche même plus exactement, au-dessus du palais et donc au fond du nez. À l'heure actuelle, il y a plusieurs manières pour atteindre cette zone. Soit on utilise ce qu'on appelle la chirurgie endonasale, c'est-à-dire on utilise des caméras avec des instruments dans les canaux opérateurs qu'on passe par le nez, qui permettent d'accéder à cette zone-là, ce qu'on appelle les confins crânio-faciaux, parce que c'est vraiment tout au fond de la face, en rapport avec la base du crâne. Et ça pose certains problèmes, puisque les instruments sont dans les canaux opérateurs, ils ne peuvent pas voir toutes les angulations, on ne peut pas regarder dans toutes les directions, il y a des zones qui sont inatteignables. L'autre solution, c'est de passer par la bouche et d'utiliser un robot qui, avec ses instruments plus fins, permettent de ne pas avoir ses gros doigts au fond de la bouche et donc de pouvoir utiliser des angulations qui sont beaucoup plus, qui sont anti-anatomiques, on va dire, oui. Puisqu'elles permettent de revenir quasiment en arrière ou de monter dans des situations qu'on ne peut pas voir et donc d'atteindre cette zone rhinopharyngée, mais pas toute la zone rhinopharyngée. Donc l'idée, c'est d'associer les deux voies d'abord et donc de faire une partie par voie endonasale et une partie par voie endobuccale, c'est-à-dire mettre les instruments du robot par la bouche pour atteindre les zones qu'on ne peut pas avoir par la zone endonasale. L'autre solution, qui était la solution disons traditionnelle, c'était de faire ce qu'on appelle des voies transfaciales, c'est-à-dire que on ouvrait largement le visage en deux. On faisait une voie d'abord qui passait au niveau de la partie interne de l'œil, le long du nez, qui ouvrait la lèvre inférieure, et on enlevait la mâchoire supérieure pour pouvoir accéder à derrière, et ensuite on refermait tout ça, ce qui était beaucoup plus lourd chirurgicalement et qui en plus de l'intervention posait des problèmes de cicatrisation, ne serait-ce que pour la voie d'abord. Puis les suites post-opératoires évidemment très lourdes, si vous voyez la tête que vient de faire Cécile Lestienne qui est à deux doigts de tourner de l'œil, donc on va rester sur ce... On est dans les limites actuelles de ce qu'est la chirurgie, en essayant de faire ce qu'on appelle de la désescalade chirurgicale dans la prise en charge des cancers. C'est-à-dire, on essaye d'être de plus en plus agressif sur les tumeurs, en étant de moins en moins délabrant pour les patients, parce qu'on a des nouvelles techniques à disposition. Et le robot permet de faire ça. La chirurgie endonasale le permet aussi, à un certain niveau, mais la chirurgie robotique permet d'accéder à des zones qui sont difficile d'accès. On ne peut pas tout faire avec une chirurgie robotique. Il y a des gens qui essayent, mais on ne peut pas tout faire. Jamais on ne verra une intervention des dents de sagesse, par exemple, avec un robot. Pas très intéressant. Mais, par exemple, les Coréens sont assez friands de la chirurgie de la thyroïde au robot, qui est peut-être un bon exemple de jusqu'au boutisme d'utilisation du robot. Il y a des raisons sociales qui font qu'on ne peut pas faire de chirurgie cervicale en Corée. Pour des raisons historiques, les cicatrices cervicales sont extrêmement mal perçues. Et donc, pour faire une intervention de la thyroïde, qui est un organe, une glande qui se trouve en avant de la trachée dans le cou, la technique classique, c'est de faire une petite incision de 2-3 cm qui est relativement sous la thyroïde, sur le cou, qui est une intervention assez bénigne aujourd'hui. Enfin, bénigne, très codifiée, et surtout, les séquelles esthétiques sont extrêmement minimes. Mais pour des raisons culturelles, par exemple, les Coréens sont adeptes de la chirurgie au robot transaxillaire, c'est-à-dire qu'on utilise une voie en passant par le bras, dans le creux axillaire, pour aller opérer la thyroïde, ce qui, pour le coup, est une chirurgie qui est plus compliquée que la chirurgie initiale. Donc, ça répond à des problèmes qui ne sont pas forcément des problèmes utiles. Mais cette chirurgie par robot ou cette chirurgie assistée par robot, elle est surtout effectivement développée et très intéressante en cancérologie notamment parce qu'elle permet d'avoir plus de précision, d'avoir, comme vous l'avez dit, accès à des zones plus complexes et surtout, peut-être que c'est important de préciser ça, des récupérations beaucoup, beaucoup plus rapides pour avoir accès après à des radiothérapies, etc. Plus une voie d'abord est large, plus une chirurgie est délabrante, plus la cicatrisation est longue et donc plus le temps de récupération est important. C'est l'intérêt par exemple de la cœlioscopie, qui est le fait d'opérer l'intérieur du ventre avec juste des caméras. Par exemple, c'est ce qui se fait maintenant pour l'appendicite, la vésicule biliaire, choses comme ça, qui est le gold standard, ce qu'on utilise maintenant tout le temps, contrairement à la laparoscopie. On l'utilise toujours. La laparoscopie, c'est le fait de faire une incision sur l'ensemble de la cavité abdominale pour pouvoir ouvrir en grand. Et en faisant juste 3 points, on peut faire des interventions en ambulatoire, alors que la cancérologie en ambulatoire, ça ne se fait pas pour tout, ça permet, plus la voie d'abord est petite, plus la récupération est rapide et plus les conditions post-opératoires sont de meilleure qualité. Effectivement, le délai entre la chirurgie et la mise en place des autres traitements, que ce soit radiothérapie, chimiothérapie ou l'association des deux, est un élément clé, en particulier en chirurgie cancérologique ORL, où il y a des contraintes de temps entre le moment où on fait la chirurgie et le moment où on commence la radiothérapie, qui est le traitement le plus classique dans ce genre de pathologie au niveau de la sphère tête et cou. Et effectivement, le robot permet ce genre de choses, mais pas que. Et alors, l'une des choses pour lesquelles on a beaucoup parlé du robot, c'est surtout la chirurgie de la prostate, qui c'était un petit peu un argument marketing, un argument de vente du robot. Je ne vais pas le citer, mais il y en a un qui domine le marché. Bon, on va en parler parce que c'est intéressant. Cette question du monopole, c'est l'une des questions. Donc on peut le dire, c'est Da Vinci. C'est le robot Da Vinci, oui, effectivement. Il y a plusieurs modèles. Maintenant, on est sur le modèle, je crois que c'est XI, mais c'est la dernière génération. C'est celui qui a été utilisé en l'occurrence. Exactement. C'était beaucoup utilisé par exemple pour la chirurgie prostatique parce qu'en disant on faisait des plus petites incisions, ça permettait de préserver ce qu'on appelle les bandelettes neurologiques, qui sont des bandelettes neurologiques qui permettent qui sont autour de la prostate, qu'on doit disséquer très précisément parce que c'est celle qui conditionne la récupération érectile et la récupération de la continence urinaire derrière, ce qui est relativement important puisque Mais c'est ce dont on parle souvent après des chirurgies prostatiques qui inquiètent les gens qui doivent la subir. C'est surtout la technique de l'opérateur qui influe beaucoup. Effectivement, le robot fait un petit peu mieux, mais c'est surtout l'adresse du chirurgien qui est prédominant là-dedans. Ensuite, par contre, ça fait des voies d'abord plus petites avec des temps de récupération qui sont meilleurs. Un mot, il nous reste quelques minutes, mais un mot peut-être justement pour parler de ce constructeur Da Vinci, qui est aujourd'hui le constructeur principal, le fournisseur principal, je crois, je parle sous votre contrôle, François, 2000 robots chirurgiens dans le monde, 80 en France, un investissement de plus de 2 millions d'euros. Aujourd'hui, on sait quel est l'état, en tout cas en France, de la santé publique, du financement hospitalier. C'est un investissement de masse. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne crée pas un peu une médecine chirurgicale à deux vitesses entre les instituts, les hôpitaux qui peuvent se payer ce type d'équipement et puis les autres, je ne sais pas, ou est-ce qu'il y a des problèmes justement de monopole de cette société privée Da Vinci sur le marché des robots chirurgiens? Il y a une autre, je crois, au moins une autre société qui développe son robot. Effectivement, les Da Vinci sont les premiers sur le marché, donc forcément, ils ont accaparé le marché parce que leur robot est de qualité. Ils étaient les premiers sur le marché. J'ai pas personnellement eu l'occasion de travailler dessus, mais je les ai déjà vus. J'ai déjà vu travailler le Da Vinci. On en a un dans mon centre hospitalier, mais il y a aussi des centres privés et pas forcément des grosses instituts qui en ont. C'est alors des investissements lourds, mais c'est comme je disais. Un argument qui est un petit peu marketing et donc c'est un investissement qui peut valoir le coup. Médecine à deux vitesses, non. En France, tant que les hôpitaux publics existeront et tant qu'il y aura de l'investissement dans les hôpitaux publics, il n'y aura pas de médecine à deux vitesses pour la bonne et simple raison que les CHU se doteront de ce genre de choses et les grands centres de référence se doteront de ce genre de choses. L'Institut Gustave Roussy effectivement est quelque chose de semi-privé, mais ça reste quand même l'institut de référence européenne en cancérologie. Ils prennent tout le monde, n'importe qui, n'importe quand. Tout le monde peut s'y présenter, même des gens qui sont pas de France, je pense pas de ce point de vue-là pour la cancérologie en France, je ne pense pas. Et une dernière question qui est la question évidemment que tout le monde se pose, même si elle ne se pose pas vraiment, il faut la poser tout de même. Jusqu'à quand ces robots chirurgiens auront-ils besoin d'opérateurs? Est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement la précision, alors on reviendra, mais je pense qu'on va faire une émission bientôt sur cette question parce que ça pose plein de questions passionnantes, notamment celle du problème du retour de force qui est. C'est l'élément qui est principal qui manque à l'heure actuelle. Alors jusqu'à quand les robots vont pouvoir travailler sous couvert des humains et non pas et à un moment est-ce qu'ils vont pouvoir devenir autonomes? Peut-être qu'ils vont pouvoir devenir autonomes petit à petit pour des petites parties de l'intervention, typiquement la suture, qui nécessite en gros une machine à coudre. mais il y a quand même une partie d'improvisation en chirurgie qui ne s'invente pas. Et donc, il y a des moments, des choses qui sont sur le papier, c'est vachement bien. Et puis, dans le feu de l'action, c'est un peu comme quand on fait du bricolage. On va faire ça et puis on se rend compte que c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et donc, il faut improviser. Et à partir du moment où une machine ne saura pas improviser, il faudra toujours un humain derrière la machine. Merci beaucoup. Vraiment, il n'y a pas besoin de bizutage pour une première. C'était formidable. Merci beaucoup, François Morel. Un mot justement sur votre chaîne vidéo Primum Non Nocere, des prochaines vidéos. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Quel est le prochain post que vous allez faire? Alors, j'ai un peu de retard sur mon travail en ce moment, mais j'essaye de terminer ma section sur le cancer. J'ai fait un épisode sur le cancer et puis j'aimerais travailler sur d'autres thématiques. J'aimerais bien faire quelque chose sur la grossesse et peut-être faire quelque chose en rapport avec les vaccins, mais pas directement avec les vaccins. La polémique en ce moment étant relativement importante. Eh bien, on met tout de suite le lien vers votre chaîne YouTube Primum Non Nocere. Merci beaucoup François Morel. Olivier Lasker à la une de Science et Avenir ce mois-ci. Alors, notre hommage à Stephen Hawking, l'univers Stephen Hawking. Et puis, devenir ingénieur aussi, si jamais vous avez des doutes de vocation. Cécile Lestienne pour la science. Bien, le paradoxe de la Terre boule de neige, comment la vie a profité d'une ère glaciaire extrême. Un dossier passionnant à lire dans Pour la science. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Mathieu Lefrançois, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lezenne, Sarah Hijemans, Elisabeth Miro à la réalisation, Élise Le à la technique. Dans un instant, c'est le magazine de la rédaction Cours d'égalité à la récré de Sarah Petitbon. Tout à l'heure, la dismoudre, le grain à moudre et la dispute en direct du Bel Air à la Maison de la Radio. Pour le grain à moudre, dans son club, Hervé Gardette se demandera si l'union sacrée peut se passer de drame. Et pour ce qui nous concerne, un coup d'œil à ce que nous avons concocté dans le labo de la méthode scientifique la semaine prochaine. Lundi, nous parlerons des parasites en tout genre. genre avec le camarade Pierre Kerner. Mardi, il sera question de la décontamination après un accident nucléaire. Mercredi, nous parlerons des dernières avancées dans le domaine du laser. Jeudi, de l'histoire de Rosalind Franklin et de la découverte de la structure de l'ADN. Et puis vendredi, ce sera la diffusion du forum que nous enregistrons demain dans le Grand Amphi Théâtre de la Sorbonne, consacré aux révolutions de l'intelligence et en l'occurrence à l'intelligence artificielle. Est-elle le prochain prix Nobel ou au contraire est-elle destinée à être bête? On en parle demain de 15h30 à 16h30. Vous êtes tous les bienvenus à la Sorbonne. Et puis encore un mot pour vous dire que demain à la même heure, eh bien c'est comme tous les samedis la conversation scientifique du camarade Étienne Klein. L'invisible a-t-il fait des progrès avec Jean Audouze et Michel Cassé? Ça, ce sera demain à 16h. Nous, on se retrouve lundi, toujours à 16h et jusqu'à preuve du contraire.